aussi loin que je viens. Il n'y avait pas de mots d'objet. Peut-être un mystère auquel j'ai cru appartenir, mais rien de concret. Masquez-moi les yeux, que je le ressente. Retirez-moi vite de l'eau. Pincez-moi le cœur, que je puisse haïr. J'aime vous croire ce que je vois, bien que pourquoi pas. D'aussi près que je sois, j'aime pour voir un monde en guerre. Sûrement mon vrai cauchemar auquel j'ai pu survivre, mais je rêve de faire supprimer mes choix. Je ne veux qu'une option. Dites-moi que je suis. Brisez mon esprit, il en a trop vu. Remettez-moi vite au feu. Regardez-moi donc, voyez ce que je vois. J'en aurai plus qu'un seul vœu. Persuadez-moi d'oublier tout ça. Je ne veux croire ce que je vois, bien que pourquoi pas.